L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce samedi 13 septembre, rendez-vous sous le marronnier de la cour de la manufacture pour un spectacle de Commedia dell'arte porté par l'association L'Orital et les ateliers de vie de quartier Centre-Ville Charles III et Léopold Villevieille. Marie-Françoise Agostini, bonjour. Bonjour. C'est l'Italie qui est le thème de la nouvelle édition du livre Sur la place et vous y participez avec notamment cette pièce de théâtre dans la cour de la manufacture, mais pas seulement. Voilà, exactement. Donc quand j'ai vu qu'un focus était fait sur l'Italie, ça m'a donné l'idée puisque j'appartiens à l'association L'Orital et en même temps à l'atelier de vie de quartier et que je suis assez fan de la compagnie Branle-Bas de Combat qui est donc dirigée par René Russo du Cercle du Travail, voilà, de faire un petit peu la synergie entre ces différentes structures, associations, etc. Et puis proposer des choses en lien avec l'Italie bien sûr et le livre ou le théâtre, etc. Ce rendez-vous théâtral, c'est le samedi 13 septembre. Mais vous l'avez dit, il y a d'autres choses qui vont se passer, notamment près de la place Saint-Èvre. Tout à fait. Dans un premier temps, sous le stand des auto-édités des auteurs italiens, l'association L'Orital sera présente et pourra donner des informations sur toute son activité tout au long de l'année. Ensuite, on a une collègue qui s'appelle Serena, qui va assurer en partenariat avec les bibliothèques de Nancy à la Petite Bulle, donc c'est l'entrée du chapiteau côté Place Saint-Èvre, le samedi après-midi, toujours le samedi, pour les 3-6 ans, donc lecture franco-italienne. On peut retrouver l'information à la page 71 dans le programme du livre sur la place. C'est de 15 à 17 heures. De 15 à 17 heures. Et le rendez-vous du samedi, donc cette pièce de théâtre, dans la cour de la manufacture. Voilà, donc j'avais trouvé que ça avait vraiment de l'allure de jouer cette pièce qu'on a déjà eu l'occasion de voir à l'occasion des Journées mondiales de la Commedia dell'arte et qui ont été organisées en février 2024. Et donc la création de René Russo, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la pièce qui s'appelle « Les comédiens italiens chassés de Paris ». C'est donc l'histoire des comédiens italiens qui avaient fait une... entre guillemets, une mauvaise blague sur Madame de Maintenon qui n'avait pas plu au roi et en conséquence, ils ont été chassés de Paris. Voilà, donc c'est très drôle. C'est accessible à tout le monde ? Oui, bon, disons qu'il y a peut-être une partie qui est moins compréhensible pour les enfants, mais bon, non, c'est drôle en toute façon. Voilà, puis français, italien, en même temps, ça correspond tout à fait. Je leur ai proposé éventuellement donc de rejouer cette pièce qui a déjà été jouée aussi à Tomblaine dans le cadre du festival. Nous, on l'avait aussi fait jouer à la Porte Saint-Georges dans le cadre du Mai de l'Europe, justement toujours pour mettre l'Italie un petit peu en avant. Et donc la représentation, faut préciser qu'elle est gratuite, l'événement est gratuit. Tout à fait. Et c'est à 16h, c'est ça ? Alors c'est 16h, et donc comme on a une petite incertitude, bon on sait que d'habitude il y a toujours un grand soleil au moment du livre sur la place, au cas où il y aurait un petit peu de pluie, on remercie énormément la médiathèque de la manufacture de nous permettre de nous replier dans sa salle qui se trouve au troisième étage, le boucan. Le seul petit hiatus, c'est qu'au boucan, on aura une jauge à 60, donc ce sera dans la limite des places disponibles. Si on peut le faire en plein air, ce sera formidable et là, il n'y aura pas de limite. Voilà, on n'hésite pas, c'est à 16h, donc dans la cour de la manufacture ou un peu à l'abri s'il y a quelques gouttes de pluie. Mais quoi qu'il arrive, on rigolera. Tout à fait. Hilarant, je promets. Voilà, l'Italie à l'honneur ce week-end pour le livre sur la place, notamment avec cette pièce de théâtre. Vous l'avez dit avec les lectures aussi sous le chapiteau, côté Place Saint-Èvre. Tout à fait. L'association L'Orital, elle est assez récente ? Oui, ça fait pas tout à fait 2 ans, je crois, qu'elle s'est constituée. Moi, je les ai rejoints un petit peu après. Et donc, toute l'année, il y a des tas de choses qui sont proposées. Donc, c'est pour ça que je signalais leur présence sous le stand des auto-édités uniquement le samedi, pour se rapprocher d'eux et voir un petit peu tout ce qui est proposé. C'est assez varié et c'est ouvert également. N'hésitez pas. Merci beaucoup Marie-Françoise Agostini. Et je vous en prie et merci à vous de nous avoir permis de nous exprimer une fois de plus. Bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.